bonjour à toutes et à tous qui nous écoutaient sur le 94.7 et le 93. Ce sont les fréquences de Radioactive. Vous êtes aujourd'hui dans l'émission Les Retraités s'activent. Un rendez-vous radio avec nos retraités préférés, accompagnés par le service Entourage, qui est un service de lien social de la communauté de communes Val d'Amboise. C'est la sixième fois que l'on se retrouve, donc un rendez-vous qui maintenant s'inscrit dans la durée et on en est vraiment très très content. Aujourd'hui autour de la table, puisque c'est à domicile aujourd'hui que nous faisons cette émission, nous ne sommes pas invités au Myosotis, mais nous avons invité nos amis dans notre studio à Amboise. Nous sommes en compagnie de Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour. Nous sommes également avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Et puis Claudine. Bonjour. Bonjour. Et enfin, le monsieur en dernier et pas le moindre. Bonjour Gérard. Bonjour. On est très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, pour mettre nos auditeurs dans la confidence, on avait imaginé aujourd'hui parler d'un thème qui était le jardinage. Mais aujourd'hui, pas de chance, on n'a pas Marcel. C'est un sujet sur lequel elle avait pas mal de choses à dire. Notre Michel numéro 2 s'est excusé également. Morissette n'est pas là. On s'est dit, bon, on va se garder le jardinage pour une prochaine émission. Mais aujourd'hui, par contre, on va parler ensemble des loisirs, de vos loisirs. Alors, je propose qu'on commence par donner la parole à Yvette, qui a plusieurs loisirs qu'elle va partager avec nous. Alors Yvette, c'est quoi vos loisirs favoris ? Alors, les loisirs favoris, ça serait plutôt la marche, en extérieur évidemment, quand il fait très beau, c'est agréable. Un petit peu de vélo aussi. Je fais du Scrabble le mardi après-midi. À Mône, avec une association. Je crois que le jardinage aussi, vous aviez évoqué. Oui, le jardinage, un petit peu de terrain, pas beaucoup, mais bon, là, j'ai commencé à bêcher, je me suis fait mal au dos, donc ah, voilà. Ah bah ça, c'est les premiers travaux physiques ralenti, avec le jardinage au printemps. Ouais, c'est... Oui. Mais bon, on va y arriver quand même. On attend un petit peu raison. Et puis on va continuer. Alors, les balades à vélo, notamment, où est-ce que vous aimez vous promener à vélo ? Alors, des fois, je vais jusque chez ma maman, Montreuil, mais sinon, au bord de Loire. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir, nous, ce cadre de... On regarde les oiseaux en bord de Loire. Oui, ouais, tout à fait. Plein de choses qui se passent. Des loisirs très sympas, puis je pense que c'est un peu partagé avec nos amis aujourd'hui. Oui. Gérard. Oui. Gérard, est-ce que vous aimez, vous, vous balader à vélo ? Le vélo, c'est pas que j'aime vraiment ça. Parce que c'est fatigant, mais là c'est une utilité, c'est ce qui... Moi j'essaye de penser à mon vieillissement et je me dis qu'il faut se servir des loisirs justement pour essayer de ralentir le processus. C'est pour ça que j'aime faire des mots croisés, pour la cervelle. Le vélo, je le fais un peu aussi parce que la machine est en train de rouiller, donc enfin, le vélo, hein, moi. Hein. Et puis tout ce que je vais faire, je fais aussi pas mal d'informatique. Pas forcément que de jouer ou sur l'ordinateur ou quoi que ce soit, mais j'ai construit ma machine et donc je me suis intéressé vraiment à la programmation et tout ça, puisqu'il fallait que tout ce qu'on a installé dedans, carte mère, etc., tout ça, ça discute. Et j'essaye toujours d'avoir des loisirs qui vont aller dans ce sens-là. Mm-hmm. D'ailleurs, de ne pas me laisser envahir. Bon, c'est vrai que je pense que ces dames seront d'accord avec moi. La saison d'hiver est un peu difficile là-dessus parce que... Bon, quand on a eu de la pluie, là, comme c'est pas permis, on n'a pas envie de sortir, tout ça. C'est... Donc, on est forcé d'avoir une activité qui va se passer à l'intérieur. Mais toujours, il faut toujours rester dans la construction, c'est-à-dire que ça nous serve à quelque chose. Ouais. Je me vois mal. Qu'est-ce que tu as comme loisir ? Moi, j'aime beaucoup manger les glaces. Voilà, je veux pas... Enfin, voilà, quoi. La cuisine, si, par contre, la cuisine... Bon, ça, c'est formidable. Hein. Avec Willem Croque-Bec. Ah ben voilà, avec Willem, que j'embrasse d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il a refait de la carbonade depuis la dernière fois ? Non, je pense pas, non. Bah déjà, je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais il avait quand même pas mal picolé. Hein. C'est vrai qu'il avait la main lourde. Hein. Oui, à chaque fois, c'est qu'il sentait qu'il allait pas ou qu'il attendait que ça cuise. il se retapait une bière, quoi. Et... D'abord, il a prévenu les gens. Hein, il a dit, de toute façon, vous trouverez ça bon. Hein, parce que de toute façon, vous serez complètement pété. Alors... enfin, voilà, quoi. Ouais, ouais. Non, mais les loisirs, c'est important parce que Ben, ça nous permet même de regarder des informations, c'est-à-dire ce qu'on appelle le journal télévisé, quoique je n'aime pas tellement ce qu'il y a à la télé, mais le fait de se tenir au courant de ce qui se passe chez nous et dans le monde, ben, ça fait partie de... Pour moi, ça rentre dans l'anti-vieillissement. Oui, tout à fait. Voilà, parce que bon... Alors, je fais un peu de jardinage, mais il faut savoir que moi, j'habitais à Paris. Les seules choses que j'ai vues pousser, ben, c'est les immeubles en béton. Et ben là, finalement, je m'en sers aussi parce que avec mes voisins voisines, ben, j'apprends des choses. Ouais. J'apprends des choses. Mon père avait un jardin, mais il ne le partageait pas. On avait juste le droit d'aller bêcher la terre, c'est tout. Le reste, il voulait pas nous en parler. Ouais. Bon, c'était comme ça, c'est son truc. Mais ça là-dessus, j'apprends beaucoup de choses. Hier, j'ai planté mon laurier. Je suis fier. Et oui, il est fier parce qu'il mérite les lauriers. C'est ça. Je l'ai planté pas loin de ma voiture, comme ça je le vois, parce que je mérite les lauriers. Oui. Oui. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ah bah absolument. Rendons à César ce qui est à Gérard, peut-être aussi. Ah merci Marlène, merci. Alors l'informatique, ça consiste à monter des machines, mais aussi à rechercher l'info, mais la véritable information. Ah oui, bah, il y a des sites pour ça. Dans tout ce qu'il y a sur Internet, c'est vrai qu'il faut faire le tri, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Mais, c'est ce qu'on appelle l'intox. Ouais, voilà. Mais quand on commence à naviguer sur des sites d'information et que vous vous rendez compte qu'il y a du sérieux derrière, parce que ce n'est pas une émission de comique, c'est des gens vraiment qui ont envie de faire passer des infos. Ça arrivait souvent que vous regardez des télés nationales où on va vous donner une information, le matin de bonne heure suivant, très importante, et puis vous n'en entendez plus parler de la journée. C'est fini. Donc c'est ce genre de choses que je vais aller chercher, creuser, pour savoir que ce qui s'est passé vraiment, que ça soit de la politique ou des faits divers. Hein. Mmh. C'est comme ça. Je pense que les médias qu'on a maintenant sont axés très sensationnels. C'est l'écœurement que j'ai quand je vois certains journalistes, s'ils pouvaient filmer la mort en direct, ça serait bien ça, s'il y avait du sang. Et moi, c'est pas ça. Je trouve qu'il faut... Pour chercher l'information, il y a toujours un pourquoi. Et c'est ça que j'aime bien. Et puis après, voilà quoi. Vous voyez, en ce moment, là, il est en train de se passer des choses graves, beaucoup plus graves qu'on pense, avec notamment la Russie et tout ça. Mais nous, on s'intéresse à savoir si Charles III est mort ou Kate, elle va bien. Là, je vois pas. On fait l'ouverture de journaux nationaux sur des choses comme ça, de la presse écrite même. Et puis, non, c'est pas ça, tenir les gens. Vous avez l'impression que c'est pire maintenant, en 2024 oh là là. Non, c'est... Enfin, 2024, c'est vrai que ça a mal commencé. Mais comme les autres années, mais non, depuis les 30 dernières années, il y a l'information s'enfonce. Il y a une dérive de l'information. Même les journaux nationaux, je veux dire, des chaînes nationales comme France 2, etc. C'est pas tellement. Ils n'ont même pas d'idées à faire passer, puisqu'ils imposent leurs idées. Oui, mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu parti pris aussi ? Complètement. Complètement. Puisque, moi, je me souviens. J'entendais mon père qui se plaignait du général de Gaulle parce qu'il avait la main mise sur la presse, la télé et tout ça. C'était assez serré. Bon, c'était l'époque qui voulait ça. Après, il s'en est expliqué d'ailleurs dans ses mémoires. Mais maintenant, c'est des consortiums, c'est l'argent qui est derrière. C'est des milliardaires qui achètent les journaux. Moi, je pense que s'il y a une loi qu'on devrait faire, c'est interdire d'acheter plus de 2 journaux. Ah oui ? Alors là... Là, il y a des gens je me souviens d'un type qui s'appelait Robert Hersant. Il possédait une quinzaine de journaux, entre les journaux locaux, les journaux nationaux, et tout ça. Il achetait au fur et à mesure. Ben non, parce qu'automatiquement, Coluche avait apparu une fois dans les années 80. Il avait apparu à la télé et il avait sorti Le Figaro et France Soir. Et il disait 2 journaux différents, complètement différents. La première page était complètement différente. Puis après, il a commencé à ouvrir les pages. C'était les mêmes. À la virgule près. Ben, c'est pas ça l'info. Il faut avoir toutes les sensibilités. On est dans une démocratie. Je vous vois hocher la tête, mesdames. Vous êtes d'accord avec ce que dit Gérard ? Yvette, je vous voyais... Oui, c'est vrai que... C'est la pure vérité. Hein. Oui, Claudine. Je pense qu'il y a une... C'est pas une directive, c'est qu'ils donnent... Ils veulent pas, je pense, intervenir directement en disant « tu vas dire ça », mais c'est un courant qu'on envoie. C'est un courant de pensée, etc. Et puis il y a les menaces. Vous verrez, si vous regardez bien, vous verrez que des fois, il y a des journalistes qui disparaissent. Parce que bah, quand vous allez justement chercher un peu plus loin, ils ont été remerciés parce qu'ils ne rentrent pas dans la ligne de... Voilà. Et plus on laissera la parole aux abrutis, et puis moins ça se passera. J'ai une pensée pour toi, Nouna. Nous aussi. On est dans l'air en ce moment de l'affaire Gérard Depardieu, notamment. Est-ce que vous l'avez vu, le complément d'enquête concernant Gérard Depardieu? Non, vous ne l'avez pas, vous l'avez pas vu. Est-ce que des émissions comme Élise Lucet, Cache Investigation, qui justement va essayer d'aller remuer un petit peu toutes les choses parfois contestables, qui publiquement ne sont généralement pas mises en avant, est-ce que vous pensez que c'est des bonnes émissions? C'est normal. Oui. Bah oui, pourquoi nous cacher les choses? Je suis assez d'accord, hein. Je vous demande votre avis. Oui, oui, oui, c'est... Hein? Suivant les personnalités, on cache, ça a toujours été, hein, moi je pense. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont cachées. Pourquoi les cacher, de toute manière? On a droit de savoir, comme... Bah oui. Ça serait une personne de moindre importance, elle serait tout de suite mise au banc. Mais ce que je... Moi, le peu que j'en sais, hein, parce que je préfère même plus regarder, parce que ça m'agace. Mais le peu que j'en sais, il y a des personnalités qui défendent... Parce que moi, comme je n'ai pas les détails, je dis, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Oui. Mais il y a certaines personnalités qui le défendent quand même. Moi, je... Non. En l'occurrence, on parle de Gérard Depardieu. Oui, là. Depardieu, oui. Jean-Gérard Depardieu. Mais bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais en même temps, je dis... Il faudrait des personnes vraiment sérieuses, parce qu'il y en a qui lancent aussi un peu tout et n'importe quoi, et c'est là après que ça devient flou, on ne sait plus qui doit en croire. Mais c'est ça, c'est que maintenant on nous sert tellement d'informations qu'on le tri, il est difficile à faire. Bien sûr, c'est ça. Moi je pense aussi que ça c'est quelque chose d'étudié, oui. Parce qu'il ne faut pas minimiser l'intelligence de ceux qui nous dirigent. Et je pense que justement, en donnant un maximum d'informations, jamais fini d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais à la fin, ben, en fin de compte, ça encombre tellement notre esprit que voilà. Et puis moi, tu parlais de Depardieu. Moi, ce qui me répugne dans cette histoire, pour ce qu'il a fait déjà, mais c'est surtout que quand ces gens qui viennent parler, enfin ces dames qui viennent parler, il a fait ceci, elles finissent souvent en disant « mais tout le monde savait ». Ça veut dire que... sur un film notamment, jusqu'au petit éclairagiste et tout ça, lui il savait aussi que ça se passait comme ça. Ben, c'est honteux. C'est honteux. Même si derrière il y a la menace de perdre son boulot et tout ça, mais ce qui nous différencie des animaux, d'ailleurs on aurait des exemples à prendre, c'est l'humanité, notre humanité, notre atavisme vis-à-vis d'entre nous. Quand on se regarde, on a besoin de se voir. Hein. Vous savez qu'un humain, pour le tuer, on peut le laisser vivre seul, il va mourir, il va se laisser. On a besoin de se regarder dans les yeux, d'avoir un visage, c'est quelque chose de naturel. Et moi, c'est tous ces gens-là qui tournent autour de tous ces prédateurs-là, et qui ferment les yeux, et qui ferment leurs oreilles, et qui ferment leur bouche. Ça, je ne comprends pas, ça. C'est répugnant. On évoque le milieu du cinéma. Ouais, mais, non, mais c'est. Il y a beaucoup d'autres milieux, malheureusement, où se passent des choses comme ça. Et est-ce qu'un prêtre, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui le savent aussi? Ah, si, si aussi, c'est pareil. Ça, là, c'est la réaction. C'est la réaction de l'entourage. Moi, j'avais une maman très croyante, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait. Et j'ai eu la chance, peut-être que je suis passé au travers, mais j'avais vraiment un curé que j'aimais beaucoup, parce qu'il s'occupait de nous. J'étais scout de France, catholique. Et je n'ai jamais rien eu, jamais j'ai eu quoi que ce soit. Mais ma mère m'a raconté une fois que ce qui lui arrivait un jour en Belgique, c'est qu'elle était jeune femme, enfin jeune fille, et elle s'est fait caresser par le curé dans le confessionnal. Elle est rentrée, elle l'a dit à sa mère. Sa mère, elle est partie directement à la cathédrale, elle a chopé le curé, il en a mis une. Ben, je pense que s'il y avait des réactions comme ça, déjà, peut-être pas aussi violentes, parce qu'apparemment, il avait morflé. Mais ma grand-mère, c'était un... Ouais, mais combien de jeunes filles ont pu aller se confier à leur maman et que les mamans ont dit non, non, non, c'est ça, pas possible. C'est la peur qui vont... Non, de toute façon, ça c'est... Mais il ne faut pas croire que ça date de nos années. Hein. C'est quelque chose qui se fait... Maintenant, je pense que ce qui est le pire, là, c'est que plus on monte dans l'échelle sociale de notre société, et mieux ils le cachent, et plus on les défend. Oui. Moi, je peux vous citer un truc, parce que je vais souvent au Maroc. Je me suis retrouvé un jour, je ne vais pas citer de nom, hein. Je me suis retrouvé à table un jour avec un colonel de la gendarmerie royale. Il avait été invité dans un... Ben, c'était suite à un ramadan quand il coupe le jeûne. Et là, on a commencé à parler. Il a parlé d'une arrestation qui venait d'avoir lieu au Maroc, d'un gars, un Français, qui a été chopé avec des petits garçons. Et il m'a dit, c'est une personnalité. Hein. Moi, je sais qui c'est maintenant. Et il a été donc extrait directement et tout ça, mais il n'a rien eu. Et dernièrement, on lui a encore donné un poste à l'État d'une réelle importance. Mmh. Et puis, ce n'est pas un cas isolé, quoi. Il y a aussi des gens du monde des arts, peinture, tout ça, qui se donnent à cœur joie dans ces pays où la viande fraîche est facile. Et ça, je pense que, sincèrement, on peut les punir, mais étant donné que derrière, il y a quand même, j'espère, une maladie, parce que c'est quand même pas normal. Non. Ça n'arrêtera pas les choses. Ça n'arrêtera pas les choses. Vous savez, parce que ça se fait aussi au niveau de la population. Hein. C'est clair. Hein. Donc, pour mettre fin à ça... Michel ? Ça commence quand même, les gens à parler, tout ça. Mais il y a peut-être la honte, la peur de parler pour salir aussi, avoir l'impression d'être salie, parce que la personne qui va parler va être plus salie pratiquement que la personne accusée. Et ça, moi, ça me révolte, parce que c'est vrai que parler n'est pas facile. Mais il y a la peur du jugement, sûrement. Des proches, savoir de peut-être blesser aussi. Là, quand même, les personnes commencent à parler. Est-ce que la justice fera vraiment son travail? C'est ça, moi, qui me... Parce que, comme dit Gérard, les personnalités, je trouve qu'ils vont... C'est intouchable, selon voilà, vous. Moi, ça commence. Mais pour moi, pas suffisamment. Pour moi, pas suffisamment, c'est tout. Claudine, vous partagez également cette opinion. Oui, tout à fait. Opinion. J'ai rien d'autre à ajouter, tout a été dit. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu dérivé de notre sujet parce que là, initial. On parlait de loisirs. Ben oui, mais bon, en même temps, ça fait partie du jeu. Bien les retraités hein. s'activent. C'est bien une sûr, émission ouais. où on échange, on discute voilà, et ça. Voilà. On a dérivé quelque peu sur cette thématique du jour qui était les loisirs. Et d'ailleurs, c'était à présent à Michel de nous faire part de ses loisirs favoris. Alors, ben, je vais revenir un peu sur Gérard, qui parlait de l'hiver. Alors oui, parce moi. Que là... il dit pas sur oui. moi, Michel. Non, c'est vrai que l'hiver, on n'a pas les mêmes loisirs que... Oui. Là, les beaux jours arrivent. Alors, l'hiver, bon, je lis un peu. Je fais de la dentelle, je fais un peu de couture. La dentelle, plus, parce que c'est un loisir qui est prenant, quoi. C'est quand on commence, ça prend du temps. Mais autrement, l'hiver, c'est vrai que lire pas, partager avec mes voisins, ça, c'est un loisir quelque ouais. part. Parce ah, oui, que oui. on passe des moments quand même agréables, surtout quand la cuisine est bonne. Mais autrement, loisir, l'hiver, lire un peu, la dentelle, un peu de couture. Il y a des lectures que vous aimez particulièrement ? C'est quoi votre truc ? C'est plutôt les romans ? C'est plutôt des livres autobiographiques Un peu d'autobiographique, mais j'aime ce qui est policier, roman policier. Moi. Ouais. Ça me sort vraiment des pensées qui, des fois, me prend un peu trop la tête, quoi. Non, mais c'est ça, ça vous embarque dans une histoire. Voilà. Ça... C'est l'espace d'un moment, une lecture. Un peu d'action, on même s'évade. Temps, un peu. Et puis, il y a des choses que j'aimerais faire. J'aimerais savoir dessiner, j'aimerais pouvoir peindre, j'aimerais faire même un peu de poterie, de choses comme ça. Ah mais, oui Je me suis essayé un petit peu à la poterie, mais personnellement, il faudrait que je prenne des cours, mais moi, ce n'est pas dans mes moyens. C'est ça, c'est que c'est des activités. S'arrête. Je suis d'accord avec vous, c'est très attrayant, oui. mais c'est aussi un coût, oui. Oui, quand on a des petites retraites, on ne peut pas se... J'aimerais voyager aussi, mais bon, c'est pareil. Moi, à part aller chez ma sœur jusqu'à là, on devrait faire des sorties, en principe, mais à chaque fois, c'est tombé à l'eau. Ouais, c'est vrai, oui. Autrement, ben là, les beaux jours arrivent, le printemps arrive, là, c'est le jardin. Là, c'est un peu ma thérapie après l'hiver, ça remonte c'est le moral. Tellement agréable d'être enfin dehors, de profiter du soleil ouais. et la vitamine D, ouais. et puis de s'occuper de son jardin. Mais comme dit Yvette, bon là, il y a eu le... La vitamine D, pour qu'on arrive à la synthétiser, il faut qu'on soit torse nu. Ah oui, d'accord. Oh, c'est la vérité, ça. Vous voyez, il ne perd pas le nord, hein, c'est Gérard. C'est la vérité. Alors, attendez un peu. Hein. Oui, comme dit Yvette, là, bon, mon petit carré de jardin est bêché. Ça fait mal au dos, mais bon, c'est un bon mal au dos quand même. Là, il y a les arbres qui commencent à fleurir. Là, c'est le départ. Bourgeon, Pour moi, c'est une bonne thérapie. Oui. Ça me remet... Ah oui, les jonquilles, là, de partout, là, oui. En ce moment. On a vu les mimosas fleurir aussi. C'est vraiment c'est des périodes très, très agréables. C'est vrai. Ben, il y a des arbres fruitiers sur notre terrain là, qui commencent à fleurir. Là. Ça fait du bien de revoir le printemps là, arriver. Oui. Et qu'on peut planter, qu'on peut travailler dans le jardin, qu'on se retrouve. Mmh. Hier, on a passé une super journée parce qu'on a travaillé ensemble avec les voisines Gérard. Et on a planté, on a Vous avez planté nettoyé quoi un peu. Le laurier. Et j'ai planté des fleurs qui étaient dans des jardinières, là, des grandes jardinières. Et puis après, on a discuté. On a pris le soleil, on a discuté ensemble avec les voisines. Et ça faisait du bien de se retrouver un peu avec le soleil, la température. Il faisait bon. On blablate un peu. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut. Vous avez totalement raison d'en profiter. Ouais. C'est ça ce qui est agréable à mes yeux. C'est qu'on peut, quand il fait beau, comme ça, on se retrouve au beau jour. Ou pas. Ou pas. C'est ça le choix. Oui. Non, mais je veux dire, c'est ça qu'on a ce choix-là, c'est on participe ou pas. Voilà. Parce que bon, tout le monde n'est pas forcé d'aller discuter. Si on a envie, si on n'a pas. Ce que je voulais dire sur la lecture, c'est que là encore, c'est même aussi un truc qui va nous aider dans le vieillissement. C'est que le truc formidable, c'est que quand vous lisez, on lit le même livre... On n'aura pas les mêmes têtes d'acteurs, des participants, des acteurs. On n'aura pas les mêmes lieux et tout ça, parce que notre imagination va travailler, va nous amener les images. Mmh. Et ça va être complètement différent d'une personne à l'autre. Mmh. Et rien que pour ça, moi, je trouve que il faut pas... Moi, personnellement, j'ai une tablette de lecture et j'ai toujours deux livres en route. Ça va être suivant mon humeur. Et puis, on fait des fois des découvertes parce que j'ai été télécharger un livre complètement inconnu et... Là, je viens de finir un livre qui s'appelle Birth, Naissance. Ouais. Et en fin de compte, c'est une histoire, au départ, on se dit, ah là là, on va être dans du sensationnel, de l'irrationnel, etc. Et je ne vous raconte pas, parce que je ne vais pas le spoiler, on ne sait jamais. Non. Et puis la fin, là, et ça aussi, avoir des auteurs qui sont capables de vous tenir en haleine sur une idée, vous forgez une idée, et vous arrivez à la fin du livre, et lui, il détruit tout en un paragraphe, c'est fini, quoi, il y a la vérité qui est là, il y a tout ça, c'est formidable. Moi, je conseille aux gens qu'ils lisent un écrivain qui s'appelle Patrick Cauvin, qui est décédé maintenant, et qui écrivait justement des livres souvent sur... qui démarraient par un côté très sensationnel, avec des histoires de fantômes et tout ça, et il nous amenait vite fait sur une explication complètement rationnelle, et c'est un écrivain qui vivait dans le Maine-et-Loire. Il habitait pas loin de chez mes parents, donc un jour, j'ai été le voir, et puis il m'a reçu très gentiment. Et ça, c'est un écrivain vraiment sympa. J'aime bien son phrasé, j'aime bien... On peut redire son nom ? Patrick Cauvin. D'accord. Il écrit aussi sous un autre nom, il écrivait sous le nom de Claude Klotz. D'accord. Il s'était créé un personnage qui s'appelait Anselme Levasseur. Et c'était les histoires extraordinaires d'Anselme Levasseur. C'était très sympa. C'est d'autant plus sympa, c'est que, à la différence de certains romans et tout ça, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, voilà. D'accord, eh ben c'est il noté. Il pouvait vous emmener dans l'Égypte ancienne, Laura Brahms, par exemple. Ok. Et là encore, on se fait bien avoir tout le long du livre, et à la fin, il vous éclate la cervelle avec la fin du livre. Et ça, la lecture, c'est bien pour notre vieillissement. Oui, bien sûr. Voilà. Claudine, vous lisez un petit peu, vous, de votre côté, vous avez des... Oh, je commence un bouquin, puis je le finis pas. C'est vrai, c'est pas votre truc. Non, il faut que l'histoire me passionne, en fait. Ok. Un livre qui vous aurait passionné, par exemple ? J'en ai lu des livres, mais pour le moment, et puis, il y a des périodes pour ça. Oui. Enfin, moi, j'ai des périodes pour ça. D'accord. Mais après, je vais continuer le livre quand même. Je veux aller jusqu'au bout de l'histoire. Et si elle est réelle, je préfère encore oui, plus. Les histoires vraies. Oui, les histoires vraies, oui. Donc, j'ai une copine, moi, qui m'en a donné pas mal. Et sur les 5-6 qu'elle m'a donné, j'en ai bien lu 3 déjà. Et puis les autres, c'est pas vraiment réel, quoi. Oui. Donc je m'accroche point à ça. Je sais que c'est pas vrai l'histoire qui va être racontée. C'est comme ça, je suis comme ça. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est comme quand on regarde un film et qu'on n'aime pas la science-fiction, c'est un petit peu la même chose. On a du mal à adhérer à des choses irréelles, je comprends. Non, autrement, c'est vrai que j'ai eu fait beaucoup de points comptés. Des grands tableaux, Oui, ça faisait des grands tableaux, quoi. Oui. Et je faisais ça l'hiver, en fait. Depuis que j'ai déménagé, ça y est, c'est laissé. Ils sont tous faits, terminés, encadrés, etc. Et Je suis plus du tout attirée vers ça. Ah tiens. Non. Je pense que j'ai eu peut-être ma dose. Peut-être. Parce que j'en ai fait quand même pas mal et puis vraiment des crans en plus. Ah oui. Et c'était une passion chez moi. Mmh. Je ne voyais pas le temps passer. Et c'était fait surtout l'hiver, parce que bon, on ne peut pas sortir. Même si j'étais en région de Gironde, où il faisait beau quand même malgré tout, le temps n'est pas pareil qu'ici. Mais non, j'ai arrêté. Après, ce que j'aimais bien, c'est aller danser. Oui, alors ça fait quelque chose. C'est une des premières choses que vous avez pu exprimer quand vous a demandé tout à l'heure la danse. La danse. La danse de salon. Oui. Moi, j'allais danser pratiquement tous les dimanches après-midi. Hein. Je préférais l'après-midi au soir parce que, bon, le soir, on ne sait pas à qui on a affaire. Moi, je revenais en tram, après par le bus, donc ce n'était pas toujours évident. Et non, j'avais envie de me sentir en sécurité, quoi. Donc, l'après-midi, il n'y avait pas de souci. On pouvait danser jusqu'à 7 heures le soir, 19 heures plutôt. Et c'est vrai que d'arriver ici, fin mai, je suis arrivée et bon, il n'y a rien ici. Voilà. Ou alors, il faut avoir un véhicule pour pouvoir partir et aller dans l'autre... Il y a des projets qui sont en cours sur le territoire pour une salle de danse. Donc, on vous en fera part dès que ce sera un petit peu plus avancé, mais ça devrait aboutir... C'est intéressant, ça. Et c'était quoi votre danse préférée en danse de salon? Moi, j'aimais bien le rock, j'aimais bien... La valse, je m'y étais mise quand même. Hein. J'étais assez longue. Hein. Oui, un peu tout, quoi. Un peu tout. Et vous aimeriez pas aller danser avec Claudine, les amis, autour de la table, si une salle ouvre? Alors, Gérard, il fait un nom de la tête. C'est pas un danseur, Gérard. Non. Bon. Même jeune, j'ai jamais aimé ça. Dans la boîte de nuit et tout, non, ça passait pas. Ça. Bon, Yvette. Chacun son truc. Après, pourquoi pas, mais il faudrait reprendre des cours. Ça revient tout seul. Ça revient tout seul. Non, et puis il faut pouvoir. Parce que moi, j'aimais danser, mais le rock, je peux plus parce que j'ai des vertiges. Alors, le fait de tourner. Ah oui. La valse, j'ai jamais réussi. J'ai toujours eu des vertiges. Là, ça tourne. Là, ça tourne trop vite. Ah oui, la valse, ça tourne. De tout temps, ça, par contre. Parce que les vertiges, moi, ça m'a pris en 90, puis en 2000 après. Mais non, j'adorais danser, mais faut pas vieillir. Parce que les vertiges, ça, c'est vrai que... Ouais. Pas bon, il y a quand même des danses que j'arrive encore à faire un peu, mais... Par ici, c'est vrai, je sais pas, il y avait, comment ça s'appelait avant, sur Amboise, là. Le Moulinet, oui. Mais il est fermé. Le Moulinet est fermé, mais il y a une équipe qui travaille justement à sa réouverture. Ça va réouvrir, je crois. Voilà. Pas où, dans un autre lieu. Ouais. C'est en cours. Fait. On vous donnera toutes les bonnes infos quand ce sera le moment venu. Donc, et puis Claudine, il y avait la marche aussi. Hein. Vous aviez évoqué le fait de marcher un petit peu. Oui, je marche beaucoup. Oui. Je me force à sortir et aller marcher. C'est bien, c'est une bonne chose. Même toute seule, hein, moi, ça ne me dérange pas du tout, donc voilà. Sinon, on reste chez soi et puis on ne fait plus rien, quoi. C'est vrai. Hein? Oui, puis on sait à quel point la marche est bénéfique. Oui, ça a des bienfaits indéniables. Ouais. C'est une activité physique douce, mais qui est pleine de bénéfices. Tout à fait, oui. Alors, parmi tous les loisirs que vous avez évoqués, moi, je suis un petit peu étonnée, mais peut-être que c'est un a priori. Je me dis, il n'y en a aucun qui m'a dit qu'il aimait aller... chiner, faire un tour dans les brocantes, les vides-greniers. Non, c'est pas votre truc, vous. Il faudra peut-être qu'on se tienne au courant de ce qui se passe. Moi, c'est ça, en fin de compte. Je connais pas beaucoup, moi, la région, en fin de compte. Alors, je sais que oui, il y a des vides-greniers, il y a des choses comme ça. Des fois, je vois sur les bords de route, ils mettent un petit panneau ou quelque chose. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de choses qui me vient à l'idée. Non. Ah ouais, tiens. Non, moi, je suis pas trop. Pas trop non pour, plus. Non, je sais pas. Ça m'attire pas, non. Non, il y a assez de bricoles partout à la maison. Oui, c'est bon. les gens se méfient des punaises de lit. Vous avez vu comment on nous a tenus en haleine pendant des mois avec cette histoire-là. Oui. Bah alors, un faux ou un tox, Gérard? Un tox, on commence à s'apercevoir que derrière, il y aurait d'autres pays qui, en fin de compte, vous laissent servir de ça pour faire une espèce de folie populaire. Ah. C'est la réalité. Hein. Oui, non, mais c'est très possible. Je vous conseille un livre... qui a été écrit par un nazi, sur la manipulation des masses. Ah. Ça, c'est riche. Un nazi, le grand nazi en tête de peloton, non, pas Alfie, non. Ah. Celui qui s'occupait de la propagande. Ah oui, d'accord. Et il a écrit ce livre, et on peut le trouver en bibliothèque, ça fait partie des livres qui sont obligatoires dans les bibliothèques nationales, comme le Moustachu, son livre est obligatoire. Mein Kampf, l'idée du livre, c'est abominable. C'est balancer une idée à un peuple harcelez-le avec cette idée. Au bout d'un moment, il croira que l'idée, elle vient de lui. Là, après, vous pouvez faire ce que... À partir du moment où il y a ça, ils ont une confiance totale et vous manipulez. Il y a un livre aussi comme ça, La Vague. Ah oui. Il y a eu un film sur La Vague. Oui, il y a eu un film sur La Vague, oui. C'est un professeur d'histoire, si je ne dis pas de bêtises, qui, pour expliquer la propagande nazie à ses élèves, leur a donné un exercice pratique en leur disant, voilà, vous allez vous scinder en deux camps. Et en fait, voilà, sans spolier non plus, mais on arrive à une véritable guerre dans la classe. Un régime dictatorial, et puis ils ont une organisation, ils ont un salut, d'où La Vague, puisqu'ils se saluent en faisant le signe de La Vague. Non, ce film est excellent. Ce film est excellent. Voilà, à recommander, pour un loisir. Vraiment. On n'a pas évoqué non plus écouter de la musique, ça fait partie de choses que je pense que c'est assez universel. Mais c'est à longueur de journée, donc on n'y pense pas, mais c'est tellement évident. On n'a même pas besoin de mettre en place, parce que c'est à longueur de journée. Oui. Oui, il y a toujours quelque chose. Vous avez des styles, des artistes favoris? Si par exemple on allume le lecteur CD, qu'est-ce qu'on va glisser dedans? Ah, Michel, elle a déjà... Moi, en ce moment, c'est Dean Martin. Oui. Depuis quelque temps, ça me fait du bien, cette musique. C'est un crooner. Enfin, il chante un peu de tout quand même, un peu. Mmh. Et j'adore sa voix, elle me fait du bien. Eh ben, c'est important, ça. Ah, parce que j'ai Spotify. Ah, ben, mais c'est ça. Et on m'a donné un appareil pour pouvoir mieux écouter. Et ça me fait du bien. Et il y a aussi Francis Cabrel. Ah. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Avec des cornes. Alors, il eût été étonnant que Gérard ne nous fasse pas une petite imitation de Francis Cabrel. J'ai d'autres aussi musiques, mais quand je veux me sentir mieux, ces deux chanteurs-là, en ce moment, c'est des périodes, peut-être. Oui, bien sûr. Parce que j'ai eu d'autres... Mais là, j'ai découvert sur Spotify, il y a plein de chansons de Dean Martin et puis de Francis Cabrel. Parce que Francis Cabrel, je l'écoutais, mais il y a des titres que je ne connaissais pas. Oui. Et j'ai été surprise. Et puis, il y a des moments où on a plus cette sensibilité, cette écoute plus attentive qu'à d'autres moments. Oui. On redécouvre des titres qu'on a toujours entendus sans vraiment les écouter. Exactement. Oui. Mmh. Les paroles me touchent davantage. Peut-être par rapport à mon vécu, ce que je ressens à ce moment-là, quoi. Parce que bon, Dean Martin, je ne cache pas, je ne connais pas l'anglais, l'américain, l'anglais, oui. Un petit peu, raconte, si sa voix fait du bien. Oui, mais je me suis mis un petit peu à l'anglais. Voilà un loisir que j'ai passé tout l'hiver. Ah, tiens. À faire un peu d'anglais. Mais c'est sa voix et sa musique me fait un bien. Mais ça se voit, parce que quand vous le dites, vous l'exprimez d'une manière émerveillée. Enfin, oui. Mais j'ai découvert ça, le Spotify, pour moi, ça a été... Une révélation. Ah oui. C'est ma sœur qui m'a fait connaître ça l'année dernière, et je la remercie parce que... Mais oui. Puis c'est facile. Oui, voilà. C'est et puis on peut choisir plein de... Céline Dion. Spotify, c'est immense, c'est des millions de choses à écouter. Oui. J'ai beaucoup écouté, avant Dean Martin, j'écoutais beaucoup Jazz Radio. Oui. Parce que là, c'est pareil, il y a Madeleine Pérou. Mais non, franchement, là, ça, c'est une bonne invention, parce que... N'importe quel titre que vous vous souvenez de votre enfance ou quoi que ce soit, moi, je me souvenais d'un titre que j'écoutais quand j'étais ado, un type qui s'appelle Don Fardon, un Américain. Il est d'une tribu indienne. Et sa chanson, il chante la misère de sa tribu par rapport à l'arrivée des colons, etc. Et donc, j'ai cherché donc sur Spotify, puis ils me l'ont trouvé tout de suite. Mais c'est immédiat en plus, c'est immédiat. Oui, c'est facile, donc, tout est vraiment répertorié. Il y a tout ce que vous avez écouté dans votre jeunesse, dans votre adolescence, c'est là. Ouais. C'est là. Et moi, je fonctionne surtout avec ça, parce que notamment les Stones. J'aime les Stones des années 60, 70, 80, 90. Ouais. C'est après que je trouve qu'il y a la dérive, mais les Stones où il y avait encore Brian Jones, c'était autre chose. Ouais. Autre chose. Moi, sur Spotify, au départ, ce que je cherchais, c'était... Il y avait Norah Jones, que j'ai découvert en 2003, que mon beau-frère m'a fait découvrir en 2003. Et j'ai adoré... Et ça m'a amené plus vers le jazz. Eh oui, Norah Jones, c'est des tonalités très jazzy, tout dans la douceur. Elle a Norah une voix Jones, très... qui est la fille de Ravi Shankar. Sans doute. Alors ouais. Là, vous... ouais. C'est étonnant cool, d'ailleurs, parce qu'on est loin de la musique indienne et de la sitar, et pourtant c'est sa fille. D'accord. Ah ben, je l'ignorais. Vous pouvez vérifier, hein. Claudine, de votre côté, c'est quoi vos choix musicaux? Les années 60. Mm-hmm. Le rock un peu des années 60 que vous aimez, oui, danser notamment. Oui. Ouais. C'est quoi, même c'est... au niveau des chansons, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. C'est... voilà. Il n'y a pas de musique moderne qui vous plaise? Quelques-unes peut-être, oui, oui. Mais autrement, c'est vrai que je suis plus dans les années 60. Et vous avez des noms à nous donner? Oui, il y en a pas mal. Hein. Les chanteurs de cette époque-là, il y avait Françoise Hardy, Adamo, etc. Mmh. Quoi. Mmh. Et c'est vrai, ce que j'aime bien, c'est le soir, regardez, n'oubliez pas les paroles. Ah oui? Mmh. Et là, on retrouve encore des... Ça fait partie du répertoire, oui, français, ouais. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est bien. mais dans les jeunes chanteurs, moi, des fois, je me laisse surprendre parce que... Il y a des choses magnifiques. Je suis très fan d'Olivia Ruiz. Ah oui. Et son style et tout ça. Et en cherchant, en fin de compte, celle qui lui écrit ses paroles et tout ça, son nom m'échappe là. Et ben, en fin de compte, je l'aimais bien déjà comme parolière et puis comme chanteuse. Et en fin de compte, je la retrouve dans Olivia Ruiz. Mm-hmm. Tu as parlé de Françoise Hardy. Et moi, j'ai redécouvert Françoise Hardy chez Clara Luciani. Où il y a ce timbre de voix qu'elle a. Bon, les paroles, on est un peu... Bon, faut dire quand même que c'est vrai que les années 60, les paroles étaient un peu bébêtes. C'était gentillet. C'est différent. Parce que déjà, il y avait une censure épouvantable. Et puis voilà. Et non, il faut faire confiance. Même dans des groupes et tout ça, il y a de la très bonne musique et des très belles paroles qui se font. Et voilà. Ouais. Je vous conseille le dernier disque d'MC Solar. Il paraît, il y a une très très bonne critique sur cette nouvelle. Et là c'est pareil, il faut écouter parce que bon, c'est ça, la c'est base de son chant, c'est il faut écouter, il faut capter, il faut revenir en arrière si t'as pas entendu parce que c'est sur un chevintement ou quelque chose. Il est excellent, cet homme-là. On n'a pas entendu Yvette sur la musique. Ben moi j'aime bien, il y a toujours quelque chose à écouter. Après c'est varié, ça peut être ancien, ça peut être récent, ça dépend. Il n'y a pas quelque chose qui sort un petit peu du lot? Un artiste qui vous a suivi toute votre vie ou que vous avez toujours aimé? Non, toute ma vie, non, non, non, non. Non. Il y en a, mais après on change. Il y a des nouveaux qui arrivent. Mm-hmm. Ce n'est pas toujours les mêmes. Et alors, je ne sais pas, par rapport à l'époque qu'évoquait Claudine tout à l'heure, dans les années 60, par exemple, est-ce que vous aussi, vous aimiez Françoise Hardy, Adamo? Oui, à cette époque-là, oui, c'est sûr. Que, oui. Bah oui, après c'était... les artistes du moment, donc. C'est ça. Et comme ils passaient en boucle, parce qu'il n'y avait pas autant de radio que maintenant. Oui, voilà, oui. C'était plus facile. On était forcés de ne pas les aimer, mais les chansons, elles étaient dans notre tête. Tout à fait. Et il y a tellement de choses qui gagneraient à être connues aussi, effectivement, qu'on n'entend pas sur les radios et qui mériteraient d'être entendues. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a pas mal évoqué aujourd'hui vos loisirs, à la fois les promenades, le jardinage, rechercher l'information pour éviter de tomber dans l'intox. On a parlé de beaucoup de choses, de la danse, mais aussi de la musique. Eh bien, ça fait plaisir d'avoir partagé ce nouveau moment avec vous. Et puis, peut-être que pour la prochaine émission, on retrouvera nos autres amis pour parler de jardinage, puisque c'était à la base la thématique du jour. Merci à vous quatre, Yvette, Gérard, Michel et Claudine. Merci. Merci. À très bientôt pour une nouvelle émission Les Retraités s'activent sur Radio Active.